Ok. Et ben voilà, premier truc recordé, c'est que je m'étouffe en toussant. Voilà. C'est comme ça que se passe une bonne partie. Et donc, vous êtes sur la planète Érythrée, seule planète donc qui est codétenue par humains et Navik qui y cohabitent tant bien que mal. Les affrontements, surtout diplomatiques, sont féroces. Les accords se font, se défont, les alliances sont créées aussi vite qu'elles sont trahies. Mais c'est aussi la planète qui a vu naître le projet dans lequel vous êtes embarqué, qui est donc le projet Prométhée, qui est d'aller découvrir une nouvelle galaxie, qui est la galaxie Andromède. Pourquoi aller découvrir cette galaxie? Eh bien, c'est plutôt simple. Les ressources de la galaxie actuelle sont partagées et limitées, et on se dit qu'une nouvelle terre d'accueil pourrait en fait suivre la même voie qu'Érythrée, et que tous les peuples pourraient cohabiter dans une terre dans un environnement nouveau. Voilà pourquoi Prométhée, et voilà pourquoi chacun d'entre vous avait rejoint cette aventure, ce risque, mais surtout pour certains c'est une promesse de richesse, pour d'autres les promesses du renouveau les promesses d'une nouvelle vie. Vous avez peut-être chacun tous un but. D'ailleurs, on va commencer par Xelal. Qui s'appelle Johnson Oslo et qui va nous présenter rapidement son personnage, du coup, avec un peu de personnalité et surtout son but. Eh bien, Johnson Oslo, donc chasseur de primes, 40 ans, un peu usé hein, quand même, barbe mal rasée, 1m80, pas trop grand pour sa profession, mais bon. On va dire qu'il est il est plus dans la force de l'âge, mais il a encore de belles années devant lui. C'est quelqu'un qui est quand même un peu, comment dire, un peu fouille merde. Et qui a tendance à la trouver facilement d'ailleurs, à force. Même s'il le fait pas forcément exprès. D'accord. Donc, C'est-à-dire? Par exemple, donne-moi un exemple où tu aurais été fouille merde, comme tu dis, et où ça t'aurait porté préjudice. Poser des questions quand on recherche un criminel mafieux, poser des questions à ses indics est pas forcément une bonne idée. D'accord. Ce genre de choses, en fait. Ce genre de petites questions mal placées, D'accord. on va dire. Ok, très bien. Du coup, pour parler en termes mécaniques, de quelle race tu es, Johnson Oslo? Et quel profil as-tu choisi? Je suis un bel humain, chasseur de primes. D'accord. Tu es donc. Qu'est-ce qui fait que tu as rejoint l'aventure Prométhée? Qu'est-ce qui est ta principale motivation? Qu'est-ce que tu recherches dans la découverte d'Andromède? Déjà, je savais pas que le monde qui s'appelait qu'on cherchait s'appelait Andromède, mais C'est le nom de la galaxie, hein, c'est pas un monde, ah. c'est la galaxie Andromède en fait. Et du coup, dedans, vous allez y croiser des trucs. Dans le principe, je me suis dit que tant qu'à faire, autant être un chasseur de primes dans le nouveau monde, parce que on sera pas nombreux. Très bien. Du coup, plutôt l'enrichissement personnel, c'est ça? Ou la renommée, la gloire. Un peu la totalité, mais c'est plus la facilité d'obtenir ces choses sur un monde où on a finalement assez peu de concurrence. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser à Johnson, que ce soit unité K-155, Artemis ou Vixen qui s'est pas renommée encore? Si, Vincent? Non. Lexa. Lexa, pardon. Je vais changer ça en bas. Oh, ouais, pas de souci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Johnson? Est-ce que tu penses des Navic? Très bonne question. Particulière. S'ils sont dans la loi, il n'y a pas de problème. S'ils enfreignent la loi, c'est des criminels comme les autres. Mais tu fais ça que pour l'argent? C'est un bon moyen de gagner sa vie quand on est un peu... Mais du coup, est-ce que t'as un sens, de la justice développé, étant donné que tu fais ça tu as l'air de dire que s'ils sont dans le droit chemin, c'est bon, et est-ce que c'est quelque chose qui est développé chez toi? Il fait son travail de façon équitable, c'est-à-dire qu'il ne va pas pourchasser quelqu'un qui n'a rien fait de mal. D'accord. Mais, quelqu'un qui a fait du mal, par exemple, mais qui n'a pas de prime sur lui, qui te rapporterait pas d'argent d'aller mettre en prison, est-ce que tu l'arrêterais ou quoi? Bah, j'en ai pas forcément le droit, en fait. C'est moi qui deviendrai un criminel à l'arrêter, en fait. C'est vraiment un outil de la justice, donc on fait appel à toi quand il y a besoin. Enfin, tu vas pas toi-même tout seul aller chasser les... Ouais, t'es pas un fonctionnaire, quoi. Tu travailles à la tête. C'est plus l'idée, oui. Okay. Je ne fais pas cavalier seul et je ne règle pas la justice web. Est-ce que tu as une femme ou une compagne ou un compagnon, des enfants? Pas parti là-dessus, mais donc non. D'accord. Alors n'hésitez pas, c'est une possibilité. Ils peuvent être emmenés avec vous dans l'arche, sans trop de problèmes, évidemment. Ok. Quel est le système de reproduction des droïdes? Eh bien, on va y réfléchir. Quel est le système de reproduction des droïdes, unité K-155? Bah écoute, le système de reproduction des droïdes, il est basé sur ceux des humanoïdes. Donc, tu as deux unités qui doivent s'assembler okay. et qui partagent en fait des flux de données ensemble pour générer une troisième unité avec de la matière un petit peu aussi qui peut être créée, assemblée dans des machines, etc. Et d'ailleurs, ça peut se faire à plus que deux. Une unité peut être créée à partir de 3, 4, 5 unités mélangées qui partagent chacun un bout d'eux-mêmes. Et ça forme une unité qui, du coup, au début, ne connaît pas grand-chose. Et bah, le principe de l'IA, c'est qu'elle va apprendre petit à petit comme un être humain. Ok, et d'accord. Voilà. Bon, mes notes, c'est joli. Les systèmes de reproduction de droïdes via un partage unique, via un accouplement, une unité peut être créée via un gangbang. Parfait. Ouais. Très bien. Et courbe d'apprentissage du coup de l'IA. Ok. Non mais j'aime beaucoup le flux de données qui est une jolie façon de dire on se mélange. Ouais. Donc quand tu vois un droïde avec beaucoup de ports USB sur lui, généralement c'est que il est chaud. D'accord. Il est chaud. Quoi. Okay. Flux de données. Très bien. Ok, c'est très intéressant. Parce que effectivement, les droïdes ne sont pas des vieilles carcasses à qui on donne de simples ordres. Ce sont des machines sentientes on pourrait dire humaines entre guillemets, même si c'est pas tout à fait le cas. Parle-nous un peu de toi, unité K-155. Ouais. Avant ça, est-ce que tu as des choses à me dire globalement sur les droïdes en général? Ben écoute, si t'as des... tout ce que tu me proposeras, ce sera oui, sauf si je recadre en fait. Donc pars du principe que c'est oui et on s'ajuste. Je pars du principe qu'il n'y a jamais vraiment eu de guerre de fin du monde entre les droïdes et les humains. En gros, okay, oui. Que malgré leur sentience, il n'y a pas eu de Age of Ultron, hashtag okay. destruction de la planète. Ouais, donc pas de point de singularité et d'effondrement derrière, quoi, globalement. Voilà, effectivement, l'intelligence des droïdes a finalement toujours été quelque part un peu pas limitée. Enfin, elle est différente de l'être humain, mais elle n'est pas illimitée, full power. Par contre, il y a eu une espèce de volonté d'indépendance. Il y a eu une guerre d'indépendance entre la machine et l'homme, parce que l'homme voulait considérer que la machine était à lui, et au bout d'un moment, ça n'a pas fait. Très bien. Donc, il y a notamment quelques planètes qui sont affiliées aux droïdes. D'accord, il y a quelques planètes complètement entre guillemets droïdes. Voilà, c'est des planètes qui sont de toute façon qui ont été refourguées sans trop de peine aux droïdes parce que les conditions de vie ne permettaient pas à l'homme ou au navire de s'y installer facilement. Effectivement, vous avez pu, vous pouvez plus facilement coloniser des mondes entre guillemets stériles. Voilà. Petite question. Est-ce que les droïdes auraient joué, c'est une question collective, auraient joué un rôle dans les longues guerres qui ont opposé humains et Navik, auraient joué un rôle d'interface, entre guillemets, et de... j'ai perdu le mot français, d'une personne qui... De médiateur ? Médiateur, voilà, tout à fait. Moi, je dirais que l'indépendance des droïdes est venue de ça, de la guerre qu'il y a eu entre les deux, parce qu'ils se sont retrouvés coincés entre les deux. Beaucoup d'entre eux ont été détruits, soit parce qu'ils bossaient pour l'un, soit parce qu'ils bossaient pour l'autre. Et au final, ils ont décidé d'être plus indépendants pour survivre, en gros. Est-ce que ça te va Je ne sais pas si la survie pour les machines existe, mais... Bien sûr, on a un sens de la survie très développé. Ok. Ah, il faudrait que je te bricole ça un de ces jours. Tu me laisserais regarder sous le capot, dis. Je ne suis pas un jouet. Est-ce que quels sont les liens que tu entretiens avec tes parents, et éventuellement avec parents au sens large, du coup, éventuellement un fils, ce genre de choses? Alors en fait, je suis un droïde assez vieux. Okay. Donc je fais partie de la génération, finalement, peut-être la première ou la deuxième génération de droïdes. D'accord, effectivement. Qui a existé, donc je n'ai pas vraiment de... C'est comme la poule ou l'œuf, il y a un moment, c'était plus vraiment une poule avant l'œuf, tu vois. D'accord. Ouais. Et du coup, bah, la notion de parent n'est pas tout à fait la même que celle qu'on peut avoir aujourd'hui, ouais. 500 ans plus tard. Donc j'ai pas mal bourlingué, effectivement. Je suis plutôt âgé comme robot, mais mon corps a été changé plusieurs fois, du coup, pour justement permettre de continuer à vivre. Je suis donc un ancien soldat, donc j'allais en fait au combat justement pendant la période avant l'indépendance contre les navis. D'accord. Et puis suite à un pépin technique sur un vaisseau, je me suis retrouvé coincé sur une planète pendant très longtemps. Okay. Sans personne pour m'aider, et c'est là que je suis devenu un peu plus, je me suis recablé, je suis parti du stéréotype du soldat, je me suis recablé pour devenir plutôt explorateur, spécialiste en survie dans des milieux hostiles. Tu es donc un droïde explorateur. Exactement. Qui peut découvrir de nouvelles choses, parfait. Yes. Est-ce que tu as autre chose que tu veux nous partager, Unité 455? Oui, j'ai avec moi un petit animal. Ah, parfait ça. Donc c'est un... Excuse-moi, je ne sais plus où je l'ai mis. Alors, ça peut être autre chose qu'un animal humain, tu peux me trouver. Oui, c'est un corsodonte. D'accord. Donc, c'est un espèce de gros chat qui est très gentil, très câlin, qui se nourrit à partir d'écorces d'arbres. Ok. Et qui tombe en sommeil immédiatement lorsque la température descend en dessous de 0 degré. Très bien. Eh bien, super. Si tu arrives à me trouver une image de ce corsodonte, ce serait encore mieux, mais pas tout de suite, hein, évidemment. Tu as ça le marche. Temps. J'essaie de trouver ça. Très bien. Eh bien, on a une bonne idée de... Comment on t'appelle, unité K-155, ou est-ce qu'on t'appelle K-155, ou est-ce que tu as un espèce vous de surnom? Vous pouvez m'appeler Kiss, en fait. Effectivement, j'avais pas fait gaffe. Pas mal. Ah donc, Kiss est le droïde du groupe. Ensuite vient Lexa. Lexa, parle-nous de toi. Je suis une Navik. Je suis pas très âgée et je suis encore en train d'apprendre. Je ne sais pas si les navis ont tendance à vivre plus longtemps que les humains. Est-ce que les navis ont tendance à vivre plus longtemps que les humains? Je dirais un peu plus longtemps. D'accord. Genre dans la 150, 200 ou plutôt 300, 400? Disons que 300, c'est rare d'arriver jusqu'à 300. C'est vraiment les plus vieux, les plus âgés, les grands sages qui ont 300, mais... 200, oui, beaucoup arrivent à 200. Ok. Moi, on va dire que j'ai 90, quelque chose comme ça. Ah, donc, oui, je ne suis pas âgé, mais je ne suis pas très jeune non plus. Ouais. Okay. Et je suis né sur la planète Nashevana. Ok. Je me suis déplacé Je cherchais un peu l'aventure, je me suis retrouvé sur Érythrée à un moment donné, et j'ai entendu parler de ça, donc je me suis lancé. Okay. J'ai voulu devenir technicienne, principalement parce que c'est la seule chose à laquelle on me disait de ne surtout pas toucher. D'accord. Et tu es un peu contradiction. Tu es technicienne par contradiction. Ok, d'ailleurs, je reviens juste vite fait vers Kiss. Quelle est ta motivation première dans... Pourquoi tu as rejoint cette expédition, Kiss? Lors de mon recablage sur l'ancienne planète, en fait, avec ce recablage qui était nécessaire à ma survie, est venue l'envie de la découverte et de l'exploration. Ok, donc c'est lié à ça, et du coup, tu t'es dit, tant qu'à découvrir, autant découvrir vraiment quelque chose de très nouveau, quoi. Bah ouais, voilà. Ok. Ok. Envie de nouveauté. Très bien. On repasse tranquillement sur Lexa. Du coup, tu es technicienne par contradiction. Est-ce que tu as des signes particuliers de la famille? Ma famille est restée sur ma planète d'adoption. Enfin, non, plutôt ma planète de naissance. D'accord. Ils n'étaient pas très, très ouverts à l'idée de me voir valdinguer. Mais quand ils ont vu que j'ai fini par trouver ma place et à être assez douée dans ce que je faisais. D'accord. Ils m'ont laissé faire. J'ai mon petit frère qui est avec moi sur l'arche. D'accord. Donc t'as quand petit frère. Ouais. Oui. Parce que lui aussi avait envie d'aller voir ailleurs et quitte à ce qu'il parte à l'aventure autant qu'il soit avec moi. D'accord, très bien. Est-ce qu'il fait quelque chose en particulier, ton petit frère? Est-ce qu'il a des talents éventuels? Il a tendance à shipper un peu tout ce qu'il trouve. Pour le moment, il se cherche. D'accord, ok. Tout ce qu'il trouve. Comment il s'appelle? S'il a un nom ou pas? Si c'est petit, il en a pas encore, c'est pas grave. Je sais pas encore. Je vais D'accord, te dire. Pas de soucis. Ok, très bien. Et du coup, toi, tu as rejoint. Quel est ton but en rejoignant cette expédition, hormis prouver que tu es capable de le faire? Je sais pas trop. J'ai fait le tour. J'ai eu l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de ce que D'accord. ce qu'il y avait à apprendre, et j'aimerais essayer de toucher à autre chose. Ok. Qu'est-ce que tu penses des humains et des droïdes? Les humains, j'ai rien contre. Ils me font ni particulièrement peur, ils ne me rendent pas particulièrement curieuse. D'accord. Il y en a qui ont très sale caractère, et sinon, ils sont drôlement petits quand même. Mais ouais. C'est tout. Ça me laisse un peu indifférente. Les droïdes, par contre, si je pouvais essayer d'en démonter un, je serais contente. Mais qui se veut pas? D'accord. Qui s'y te répond que si tu le laisses te démonter en premier, il voudra peut-être y réfléchir. Mais moi, je pourrais te remonter. C'est ça la différence. Ok, mais ça. Tu comprends un peu la relation que j'ai. Ils me rendent curieuse. Je les vois comme des personnes à part entière. Hein. Okay. C'est un peu comme un scientifique qui verrait une créature qu'il connaît pas ou une nouvelle espèce. Ce sont des personnes à part entière. C'est juste que j'aimerais bien voir comment ça marche de l'intérieur. D'accord. Petite question à vous deux d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez communiquer par grâce à la télépathie de Lexa ou pas du tout? Là, je pense que ça dépend du pourcentage d'humanité qu'il a. Zéro. Il n'y a aucun organique chez moi. Je dirais non. Là. Ouais. D'accord. Ok. Donc pas de télépathie. Ouais. Pas de télépathie avec les droïdes, quoi, globalement. Les droïdes et tout ce qui est robotique. Très bien. Est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose sur Lexa ou pas, Vixen? Ou est-ce qu'on a fait un petit tour Là, tout de suite. Ok. Non. Eh bien, viens Artemis. Artemis qui est joué par Zulfikar. C'est moi. Eh bien, parle-nous d'Artemis. Nous tous. Artemis, elle a été sortie de l'école de pilote, elle était major de sa promotion. C'est une très bonne pilote, mais sa confiance en elle lui joue beaucoup des tours. D'accord. Elle est jeune, elle est très jeune. Là, en fait, si elle part vers la nouvelle galaxie, c'est parce qu'elle doit du pognon. D'accord, ok. Donc elle a décidé de s'en aller très très loin. car elle a des dettes. Ok, des dettes. Et tu es très sûr de toi. Tu es très sûr de toi. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu as contracté ces dettes? Un contrat qui s'est mal passé. Un contrat de pilotage, juste d'un point A à un point B, sauf qu'en fait, il s'est avéré que c'était de la contrebande. J'étais au courant que c'était de la contrebande, donc voilà. Mais il s'est avéré qu'on a essayé de piéger le stock en faisant accuser quelqu'un d'autre. En D'accord. fait, si tu veux, on va dire que c'est un gangster A qui m'a fait transporter du stock. Ouais. Du stock, mais le stock était clairement identifié comme appartenant au gangster B. D'accord. Très Donc bien. En fait, si tu veux, il m'a dénoncé. Du coup, je me suis enfui. Okay. J'ai largué le stock, je me suis enfui et j'ai gardé le vaisseau. Ok. Très bien. Et du coup, tu travailles plutôt du côté illégal du pilotage. Je travaille toujours du côté où il y a du challenge et de l'argent. Ok, d'accord. Donc si jamais un organisme, légal venait à te proposer une mission un peu compliquée avec de la thune au bout, tu accepterais, c'est pas contre tes principes. Très bien. Est-ce que tu as de la famille, Artemis? J'imagine que tu en as, et est-ce qu'après la question, est-ce qu'elle est... Ouais, ça fait longtemps que oui, j'en ai encore, mais ça fait un petit moment que je m'en suis émancipé. D'accord, ok. Très bien. Du coup, toi, c'est vraiment fuir les dettes, mais est-ce que tu vas rechercher des nouvelles choses dans la galaxie Andromède? Moi, mon kiff, c'est la belle mécanique. Donc, je pense que dans la nouvelle galaxie, il n'y a rien à voir du tout, à part de la nature, quoi. Donc non, j'en attends pas grand chose, à part me mettre en sécurité. Ok, d'accord. La belle mécanique et la nouveauté. Ok, très bien. Toc, toc, toc. Et toi, qu'est-ce que tu vas penser de tout ce qui est Navic et droïdes? Toi, j'imagine que les droïdes, c'est plutôt ça te. Tu étais plutôt positif, vu que t'as bien tout ce qui est les nouvelles technologies, mais. Peut-être pas, est-ce que t'as... Ouais, si, mais ça vaudra jamais les réflexes d'un être humain, quoi. Ouais, ok. Et au niveau des Naviks, qu'est-ce que tu penses de cette autre race, de cette autre espèce? Honnêtement, je pense que ni bien ni mal. Honnêtement, je m'en fiche D'accord. un peu, en fait. Très bien. Je vois que beaucoup de, enfin, vous avez des relations plutôt neutres entre races. Est-ce que du coup, ça veut dire que dans votre galaxie actuelle, il y a peu de mélange, il y a peu de gens qui se côtoient. Vous n'êtes pas sur des mondes, vous n'avez pas énormément vécu sur Érythrée, du coup, j'imagine. Ben moi, je sais pas. Quand tu m'as posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est possible que j'ai passé toute ma vie sans en croiser un? C'est possible. Oui, c'est possible. Après, étant donné que tu as quand même pas mal bourlingué, ça commence à devenir un peu compliqué. Après, pour le roleplay, je peux faire le raciste, hein, y a pas de problème. Ouais. Non, c'est pas ça. Ah, mais pas du tout. Moi, c'est du coup, c'est ce qui m'intéresse, c'est savoir est-ce que vous avez plutôt vécu du coup sur des mondes 100% humains, 100% Navik. A priori, Vixen, vu que tu viens de la planète de base des Navik. Ouais. Moi, j'ai vécu une bonne partie de ma vie entourée de Navik avant tout. Ouais. Toi, ouais. Artemis, t'as pu bourlinguer dans l'espace humain, on va dire, sans problème. Hein. C'est pas un souci. Et du coup, t'en aurais pas croisé. Disons que j'ai jamais rencontré de Navik. D'accord, voilà. Ok, très bien. Mais Vixen est un bon Navik parce que c'est un Navik qui est resté chez elle. D'accord. Ok, et du coup, toi, Kiss? Moi, je suis neutre hein, vis-à-vis du conflit. Je suis pas dans ces deux races-là et j'ai pas de reproches à leur faire. Donc, très bien. Je les vois se battre entre eux et bah, je suis au milieu. Et... Ok. Et enfin, Johnson, est-ce que tu as vécu? Ouais. J'ai vécu dans des mondes plutôt cosmopolites avec les croisements de races, droïdes, etc. Donc, c'est quelque chose de plutôt naturel en soi. Ok, très bien. Ok, parfait. Bah, écoutez, est-ce que vous avez des petits détails à rajouter ou est-ce que des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent importantes dans cette galaxie dans laquelle vous risquez de ne jamais revenir, vous abandonner derrière vous? Bah non. Non, a priori. Que celui qui doit parler le fasse maintenant ou qu'il se taise à jamais. Est-ce qu'on se connaît entre nous? Ah bah oui. Du coup, oui. Non, est-ce qu'on se connaît bien? Je veux dire, quelles sont nos relations? Ah bah ça, après, on va en décider quand. Bah, on peut le faire maintenant, si vous voulez, on peut faire le team building maintenant. Mais, du coup, en fait, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer le voyage, parce que le voyage va être long, malgré la superbe technologie que vous avez. Vous savez que ça risque d'être un peu long. Vous avez cette un peu plus bas, cet anneau, en fait, qui va vous permettre d'avoir une espèce d'accélération extraordinaire, peut-être même une technologie de trou de ver ou de téléportation quelconque, en fait, qui vous approchera grandement d'Andromède. Mais le voyage va prendre au moins des années. Ah, d'accord. Du coup, vous savez que vous allez au moins avoir des périodes de sommeil cryogénique. Ça, c'est une certitude. Pour pouvoir arriver jusqu'à Andromède. Ouais. Comment ça se passe pour moi, du coup? Bah, toi, tu vas être mis en pause, en veille. D'accord. Ma source d'énergie, en fait, c'est quoi? Bah, dis-moi, qu'est-ce que c'est ta source d'énergie? Moi, je dirais bien une. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la bête électricité, ou alors s'il y a des biocarburants, des trucs comme ça, ça peut être sympathique aussi. Hop, dis-moi juste. C'est une mini centrale nucléaire. Ok. Ok, d'accord. Donc toi, si on te tire dessus, c'est la merde, quoi. Bon, après, le truc est plutôt non, bien sécurisé, mais ça n'explose pas comme ça, mais... Dac. Ok, une mini-centrale nucléaire pour te... Alors, j'imagine, vu les vaisseaux, qu'on a au moins développé la fusion et la fission nucléaire. Oui, tout à fait. Vous avez... On peut en parler, mais vous avez la vitesse subluminique, la vitesse supraluminique, vous avez des trucs pas mal, quoi. À l'image du réacteur de l'arche Prométhée qu'on voit sur l'image en dessous, vous êtes donc, très développé, quoi. Donc je pense que j'ai une petite réserve d'énergie sympathique, okay. Que je dois recharger, je sais pas, tous les ans. Ok, ouais. Très bien. Bon, j'espère que tu fonctionnes sur la fission et pas la fusion, parce que sinon on risque vite d'avoir des problèmes. Mais pourquoi? C'est quoi le problème de la fusion plutôt que la fusion, c'est instable et c'est beaucoup plus instable que la fission en termes de trucs, en termes de réaction. Et bah, c'est à stabiliser. On va dire que t'aurais un mini soleil dans le bide, quoi. Oui. Ok. Mini centrale nucléaire pour merde, je t'alimenter, voilà. je cherchais le mot. Hop, ni de recharge une fois par an. Donc tous les ans, j'enterre mes déchets dans une planète. Ok. 5 mètres de profondeur dans de l'acier. Très bien. Ok, bah, c'est parfait ça. C'est parfait, ça pourra nous donner lieu à de jolies scènes. Du coup, oui, effectivement, vous connaissez et vous savez que, avec d'autres membres, évidemment, vous faites partie d'une des équipes qui va devoir découvrir certains mondes dans une partie d'Andromède, en fait, afin de maximiser l'efficacité des groupes et de la découverte de cette nouvelle galaxie. Des groupes ont été préformés en fonction des capacités de chacun. Vous savez que dans la plupart des groupes, il y a toujours un pilote, toujours une personne qui est capable de s'adapter aux nouvelles technologies, une personne qui est capable de bidouiller des abris, mettre en place, un réseau stable pour s'alimenter, pour qu'un camp puisse s'autosuffire assez vite. Mais aussi une personne qui soit là pour se défendre si jamais il y a des menaces extraterrestres, voire des menaces qui seraient connues de vous, en fait, parce que on peut imaginer que l'arche, malheureusement, n'emporte pas que des enfants de cœur, mais aussi des gens qui sont là pour foutre un peu le dawa où ils arrivent, quoi. Au final, c'est combien de personnes l'arche à peu près? C'est énorme. Ça peut être gueule de l'arche vis-à-vis de l'image qu'on voit sur la gauche. Je dirais bien au moins, on va dire 1 milliard. What? Bah ouais, vous êtes nombreux, c'est une galaxie, hein, qu'on. Ou au moins, hein, si vous voulez, hein, moi je suis pas, c'est comme vous le voulez. Hein. 1 milliard de personnes, ah ouais. Ah, ça fait beaucoup, après on peut partir sur. Tu vous partiez sur quelle échelle? Après, moi je m'adapte. Hein. Tu partais sur quelle échelle, Ron? T'avais plus quoi comme... 1 million. Un million. Plutôt, oui, pour un essai. Un million, effectivement. Ok, bah écoutez, partons sur 1 million de... 1 million d'âmes sur l'arche, très bien. J'avais autre chose à proposer. Vas-y. Sachant que les navis qu'on... J'imagine un lien un peu plus spécial, télépathiquement parlant, un lien un peu plus fort entre les membres d'une même famille. Genre, plus ils sont proches, plus le lien fort. Ouais. Des parents peuvent contacter leurs enfants et inversement à plus d'un kilomètre. Ouais. Et des frères et sœurs peuvent se contacter à plus d'un kilomètre. Ouais, complètement. On peut imaginer que ça fonctionne à l'affinité. Je ne peux pas parler avec mes parents, mais... Non, c'est ça. Mais tu pourras parler mais avec ton conjoint. Mais je peux parler avec mon frère, même si on est beaucoup plus éloigné. Ok. Et vous savez que, éventuellement, pour les débuts, le million de personnes qui ont embarqué ne seront pas décryogénisées en même temps. En fonction de la situation, en fonction des besoins, vous savez que... vous êtes susceptible d'être réveillé plus tard, si jamais vous veniez à manquer de ressources, etc., pour pas créer un effet de pénurie dès votre arrivée dans une nouvelle galaxie. Ok. Étant donné que vous avez un pilote, vous savez que vous avez de quoi vous balader, vous avez donc un vaisseau quand même personnel assez conséquent. Ainsi que dans ce vaisseau, du coup, un espèce de rover embarqué afin de circuler en roulant, en fait, en roulant ou en glissant, enfin, en fonction de comment vous voulez qu'il soit, sur les planètes, sur les nouvelles planètes que vous viendriez à découvrir. Oui, ouais. J'ai une question, du coup, donc c'est une nouvelle galaxie dans laquelle nous allons. Oui. En gros, donc il va y avoir énormément de soleil, enfin d'étoiles dans cette galaxie. Oui. Et au final, quel est finalement... On va arriver dans un endroit un peu random au départ. Hein, je veux dire, où est-ce qu'on a ciblé déjà un endroit où on sait qu'il y a une planète. Vous avez quand même, il y a eu quand même des sondages qui ont été faits, enfin des sondages qui ont été faits avant. Ouais. Donc, il est arrivé dans un endroit où il y a des planètes qui sont censées être accueillantes pour les humains, les navics, et donc, et par extension, les droïdes. D'accord. Mais effectivement, il y a eu une sélection de mondes dorés qui ont été faits, c'est l'appellation officielle, qui sont a priori propices à accueillir la vie. Okay. Et Andromède a été choisi parce que c'était la galaxie qui, a priori, avait le plus de potentiel d'accueil. Et puis c'est la plus proche aussi, non ? Peut-être, je sais pas. Oui, c'est aussi la plus proche, mais ça faut pas le dire. Ça marche. Est-ce qu'on a eu des consignes concernant l'approche, avoir une approche pacifique, agressive? Globalement, on vous conseille de privilégier le pacifisme, mais ils sont bien les gens qui sont à la tête du projet. Sont bien conscients que ce sera sûrement pas possible avec toutes les races, notamment en prenant l'expérience de la rencontre entre les navics et les humains. Et donc, ils vous ont les consignes sont de vous adapter au mieux face à la situation que vous avez, quoi. D'accord. De gérer au mieux. Donc le mieux étant le pacifisme. Mais si par exemple vous veniez à rencontrer une espèce alien qui pointait directement des fusils sur vous, il n'est pas question que vous vous laissiez dézinguer parce qu'il faut rester en paix, quoi. Ça roule. Voilà à peu près l'idée. Est-ce que vous avez d'autres questions, Zulfika? Zulzul. Non, il faut que je te donne Artemis, sinon jamais je vous appelle par le nom de vos persos. Oui, pardon. Est-ce que tu as des questions avant de partir, te faire cryogéniser? Non, moi je m'en fous. Il faut vite que je me casse. D'accord, très bien. Lexa, est-ce que tu as des questions avant de te faire cryogéniser? Est-ce que tu veux dire au revoir à tes parents? Est-ce que... Ah bah ça c'est déjà fait. D'accord. C'est déjà fait depuis un moment. D'accord. La seule question ce serait est-ce que une fois qu'on sera là-bas on s'installe tout de suite ou il y a un retour de prévu? A priori il n'y a pas de retour de prévu. C'est un aller simple. D'accord. Et oui, parce que en plus là-bas j'imagine qu'il n'y a pas la technologie pour revenir avec le saut là, le portail. C'est ça. Ce sera à vous de l'installer. Ce sera à vous de l'installer, enfin entre guillemets à vous, hein, c'est aux arrivants, de l'installer pour pouvoir communiquer plus rapidement avec la galaxie, quoi. enfin pour pouvoir communiquer tout court, parce que vu la distance, je crois que c'est des centaines d'années-lumière. C'est tout à fait ça. Donc, en fait, globalement, cet anneau va vous donner le boost, mais bah, vous n'aurez pas le boost pour le retour, quoi. Ok. Bon, pour être, pour faire grossir. Ah bah vous avez le temps, et puis j'imagine que à cette époque-là, il y a quand même des technologies qui existent pour éventuellement prolonger la vie, soigner un peu entre guillemets à l'infini, sans que ce soit parfois un problème si, pour les quelques privilégiés qui peuvent y accéder. Donc il y a des choses à découvrir encore. Il y a des choses à faire. Kiss, chose à faire avant ton départ ? J'ai une question par rapport à l'argent. Là où on va, enfin voilà, ça sert à rien, il n'y a pas de monnaie. Tout à fait. Là, j'ai de l'argent. Est-ce que je peux m'en servir pour acheter des trucs avant de partir ou... Bien sûr. Sinon, tu sais que tu pourras acheter aussi des trucs sur l'arche. D'accord. Bon, je les achète. Il y a quand même un système de monnaie qui existe, de biens, etc. Tu sais que vous n'êtes pas. Enfin, là sur l'arche, par exemple, au début du voyage. Vous l'avez passé en chambre, vous n'êtes pas fait directement cryogéniser nécessairement. C'est des baies de stockage, quoi. Mais tu sais qu'il y a des gens qui avaient des superbes apparts dans l'arche, tandis que d'autres étaient dans des pièces plus raisonnables. Ok, ça roule. Donc il y a toujours du commerce, il y a des salles de jeu, il y a des endroits où faire la fête, il y a des laboratoires, enfin il y a tout ce qu'il faut sur cette arche. C'est une planète portative, en fait. Ok. Ouais, entre guillemets. Bah, j'ai rien à faire. Plutôt une ville. Ok. Johnson. Johnson. Non plus. Non. Eh bien, rien de particulier. Mon départ était préparé. Très bien. Eh bien, nous allons y aller. Voilà. Voilà quelques jours, semaines. Vous avez embarqué sur l'arche Prométhée. Le grand jour est arrivé. Vous faites cryogéniser ou mettre en pause pour Kiss. Et vous savez que durant plusieurs années, vous ne reverrez pas la lumière. Vous allez vous reposer tranquillement, ne pas vieillir, afin de pouvoir partir à l'aventure et découvrir Andromède, être les premiers. Les premiers à poser la pointe du vaisseau, les pieds sur ces mondes dorés qui vous attendent. Vous allez être des pionniers, vous êtes pour l'instant l'espoir de l'alliance entre humains et Navik et droïdes, évidemment. Faut pas que je vous oublie les droïdes. Voilà. Vous êtes en chambre de cryogénie. Tous dans le même secteur, étant donné que vous faites partie de la même équipe. Ton frère est pas très loin, Artemis. Non, est-ce que... Pardon, ton oui, frère n'est pas très loin, Alexa. Ouais, oh. Déjà. J'ai deux filles là, c'est pas normal aussi. et la voix de Zul ressemble beaucoup à la tienne. Non, pas du tout. et du coup, ça y est, vous êtes en repos. Le temps passe donc, et presque pour vous en un battement de cœur, le réveil se fait. Malheureusement, jetez-moi tous un petit dessin pour savoir qui va se réactiver en premier. Ok, a priori ça sera pas Xelal. Peut-être en rond. Bon bah c'est Alexa, très bien. Alexa qui, ça y est, qui pète le score déjà. Zulzul, ton dessin. Perdu Zulzul. Très bien, bien Alexa. Tu te réveilles en premier et en fait dans l'urgence, parce que autour de toi, je pense que le réveil est quand même un peu dur mine de rien, mais tu entends une espèce de sirène, une alarme qui résonne très fort dans tes oreilles, Faille de sécurité détectée. L'unité de cryogénisation est en cours de désactivation. Tu entends la voix de l'IA qui te parle directement dans l'oreille. Mesure d'urgence enclenchée. Décryogénisation de l'unité 144. Donc là, tu sens un mouvement peut-être autour de toi. Comment tu es là ? Légèrement paniqué quand même, une faille de sécurité, tu sens un je mouvement, sais pas où ça vient. Tu sens un mouvement, en fait, tu sens que tu es en train de bouger. Tu es en train de te déplacer dans la direction, les pieds en avant. Et tu vois, au fur et à mesure, la lumière qui assaille tes yeux, qui te brûle un peu d'ailleurs la rétine. Au niveau de tes points de vie, tu n'en as que... Hop, tu n'en as que 6. Je vous explique un peu rapidement le système de points de vie. En fait, la première moitié sont des points de stress. C'est-à-dire que si par exemple vous perdez moins de la moitié de points de vie, en fait la balle qui devrait vous toucher ne vous touche pas et vous passe à côté, c'est juste du stress. Par contre, quand vous entamez la deuxième moitié, c'est vraiment des PV. Ce qui veut dire que en fait, à chaque fin de combat, vous récupérez vos points de stress direct. Mais pas vos points de vie, pas vos points de vie solides. D'accord. Du coup, là, t'es en stress maximal, Lexa, et tu n'as plus que 6 PV en termes mécaniques. Tu es complètement paniqué. Tu vois différents modules qui commencent à être désactivés, à être en tout cas sortis de leur fonction. Et fais-moi un petit jet de. Eh bien, tu vas me faire un jet de. Ah, tu m'as mis que tes caracs, tu m'as pas mis tes talents. Si, talent, pilote, D4. Ah oui, mais t'as pas mis les autres du tout. Faudra juste penser à les rajouter, histoire que ce soit plus pratique pour moi, en fait. Ok, on va faire un petit talent de... un petit jet de sens et... eh bien, explorateur, en fait. Explorateur, sens, D8, je mets combien de D8 ? C'est 1D8 en fait. Ouais, c'est 1D8. Et c'est une difficulté à 3. Mmh. Ok. C'est un échec critique. Tu es assailli par une odeur abominable. Tu sens une odeur de charogne. Et tu ne peux pas te retenir d'avoir des haut-le-cœurs. Et de vomir en fait. Tout, directement en sortant de cette stase. Tu es prise de vomissements complètement incontrôlables. Et effectivement, autour de toi, la situation semble avoir légèrement dégénéré. Tu as l'impression, en tant que technicienne, que une partie des modules n'a pas tenu le coup durant le voyage. Et aucun système de secours ne s'est activé. Et du coup, ce que tu contemples, c'est sûrement des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes. Que fais-tu ? Mon premier réflexe. Ah oui ! Très réussi. Mon premier réflexe, après m'être un petit peu calmé autant que c'est possible, c'est de contacter mon frère par télépathie, voir si ça va. Ok. Bah écoute, tu sais, alors au niveau du test, j'explique rapidement pour les différents auditeurs. Pour la télépathie des Navic, eh bien, il faut que Vixen réalise un test d'esprit plus expert. Normalement, la difficulté est à 4, mais étant donné que tu es extrêmement paniqué, la difficulté va passer à 5. N'hésitez pas à utiliser les points d'énergie. Je vous ai dit, ils remontent plutôt vite. Donc, toi, c'est esprit plus expert. Tu as donc juste esprit, en fait, à D8. Rapidement, comment on utilise des points d'énergie ? Hop, parfait, tout à fait, pas de souci. Au niveau de l'énergie, je vous le fais pop devant vos yeux ébahis. Alors, les points d'énergie, tu peux dépenser 2 points d'énergie pour avoir un +1. Tu peux dépenser 3 points d'énergie pour pouvoir relancer un test, ou 4 points si c'est un échec critique. Tu peux dépenser de 1 à 4 points pour avoir un ajout narratif. 1 à 2 points pour l'utilisation des pouvoirs, etc. etc. Donc je là, crois globalement... que j'en ai utilisé 1 au moins, 1 okay. Plus 1. Pour, ok, donc tu vas te retirer 2 points d'énergie pour avoir un plus 1. Oui, patron. 2 points d'énergie. Tu Voilà qui est fait. Et je lance un D8. Ok. Ok. Autre règle, on va les voir au fur et à mesure qu'elles arrivent. Quand tu fais le maximum de ton dé, en fait, ton dé est explosif, tu peux le relancer. Le jeu fonctionne en fait par tranche de réussite. C'est-à-dire que la difficulté de base en fait est à 4. Et par exemple, tous les 4 supplémentaires, donc là, si la difficulté de base avait été à 4 et que tu as fait 8, tu aurais eu une tranche de réussite supplémentaire. Donc une espèce de mini réussite critique, quoi, globalement. Et donc, du coup, en fait, à chaque fois que tu fais le maximum de ton dé, tu peux le relancer. Donc là, par exemple, si tu choisissais de le relancer, tu pourrais faire encore plus. Attention cependant, si sur le deuxième dé vous faites un 1, ça revient à faire un échec critique. Sachant que du coup le risque est moindre quand vous utilisez le duo caractéristique et talent. Étant donné que vous avez 2 dés, refaire un échec critique derrière, il faut que vous fassiez 2-1 avec les 2 dés. Quoi. Du coup, si tu veux relancer, tu peux. Est-ce que c'est à peu près clair ou est-ce que j'étais complètement pourri là? Est-ce que j'ai le choix de le relancer ou pas? Oui, tu as le choix. Là, t'as pas besoin. Là, globalement, t'as réussi vu que la difficulté était à 5. Mais si tu voulais encore mieux réussir et avoir du coup des seuils de réussite, tu aurais pu relancer une deuxième fois. Tu aurais pu relancer, voilà. Tu pourrais relancer une deuxième fois. Là, t'es à 9 en fait. Donc, okay. T'as dépensé un point. Donc, en fait, t'as un seuil de réussite déjà. On va rester là. Donc, t'es à plus 4. Ok. Eh bien, tu arrives à joindre ton frère. En fait, tu sais qu'il est vivant. Tu sais qu'il est encore en sommeil en fait, mais que le sommeil est contrôlé et qu'a priori il y a pas de danger pour lui. Et effectivement, ça te rassure. Tu sens que tu arrives à te calmer, tu n'es plus en train de paniquer et tu es en train de reprendre le contrôle de toi-même. Ensuite, nous avons du coup Kiss. Kiss, toi, l'unité à laquelle tu étais branché, gérée par une IA, t'envoie, c'est pas un message vocal, mais t'envoie des données en fait. Mm-hmm. Le flux de données, eh bien, il va falloir que tu me l'analyses. Du coup, tu vas utiliser ton esprit, mais aussi, hop, toc, toc, toc, toc, mysterious note, oui. Ça va être esprit et tech. Esprit et tech. Donc si je n'ai pas tech par exemple. Et bah tu vas malheureusement ne lancer que l'esprit. D'accord. Et si tu as une difficulté de 3, parce que pour toi c'est un flux de données tout à fait correct. C'est bien. Donc là par exemple comme aussi, tu pourrais, si tu le voulais, utiliser 3 d'énergie pour relancer le dé. 4 étant donné que c'est un critique, mais oui, dans l'idée c'est ça. Et bah, c'est un échec. Ok, très bien. Donc je passe à 3 d'énergie. Comme j'étais à 7. Ok. Je crois que c'était. Attends, faut que j'édite cette merde. Bon, après, éditez après, faites vos jets, je vous fais confiance, vous comptez de toute façon. D'accord. Hop. Ok. Bon, tu réussis, tu arrives à analyser le flux de données. Effectivement, là-dedans, tu as le nombre de pertes en direct. Tu sais aussi qu'il y a eu une erreur au niveau de l'administrateur, en fait, au niveau d'une commande. Il y a une commande qui a été rentrée. Et a priori, la panne ne serait peut-être pas que naturelle. Il y aurait peut-être eu malveillance. D'accord. De quel type de panne il s'agit, en fait? C'est quoi le problème de... Mais une partie des blocs de stase n'ont pas été alimentés pendant un certain temps. Et ceux qui étaient debout pendant ce temps-là et pas en stase, ils ont rien remarqué? Bah, c'est-à-dire qu'en fait le vaisseau était en pilotage automatique jusqu'à Andromède à partir d'un certain moment. D'accord. Donc pas besoin de gens. Ouais, c'est ça. Donc a priori non, ça n'a pas été remarqué. Ok. Du coup, ceux qui n'ont pas été alimentés, bah, ils sont morts, j'imagine. Il y a des pertes. C'est ça. Des pertes sont colossales. C'est plus d'une dizaine de milliers de morts a priori. D'accord. Et du coup, est-ce que ça a été réparé? Est-ce que ça va maintenant? Non. D'ailleurs, c'est en fait le. T'as une IA qui se met en lien direct avec toi. Unité K155 ? Oui. L'IA au rapport. Ça s'écrit... Hop. Ouais. Okay. Allez-y, faites-moi un relevé de situation. Elle se fait, en fait, c'est L minuscule et IA, en fait. Tu sais, toutes les IA ont IA dans leur nom et ça ressort avec des majuscules. Ouais. La situation est critique. Nous n'avons seulement réussi à outrepasser les commandes de sécurité. Le vaisseau est bientôt arrivé à destination, mais de nombreuses unités de stockage sont tombées en panne. Nous avons réussi à réveiller certaines personnes. Il vous incombe d'en réveiller le maximum et de reprendre le contrôle du vaisseau dans les plus brefs délais. Si vous souhaitez vous rendre, et elle t'envoie des coordonnées, si vous souhaitez vous rendre sur le pont avec l'espace de stockage 140, une partie de votre équipe vous attend. D'accord. Où est-ce que c'est le plus pertinent pour aller réactiver tout le monde d'un coup facilement ? Il n'y a pas un centre de commande ? Eh bien, tu as un centre de commandement, effectivement, sur la passerelle la plus à la poupe. Du vaisseau. D'accord. Du vaisseau spatial. Donc effectivement, tu sais où ce serait si la logique est respectée. Donc là, elle me dit juste qu'il y a l'unité 140 que je connais du coup. C'est ça. C'est là où tu sais où sont entreposés les différents membres de ton équipe au sens large. D'accord. Bah réveillez-les, forcez leur réveil et puis je m'occupe du reste. Très bien. Je vais en direction des unités 140, enfin dans le groupe 140. Okay. Très bien. Bon, ça va te prendre un peu de temps et du coup, eh bien, c'est à Johnson. Johnson qui est aussi en train de se réveiller doucement. Enfin, pas doucement en fait. Pareil, tu as le même son hurlant dans les oreilles. Et tu vas me faire le même jet que Lexa, c'est-à-dire. C'est-à-dire du tuk-tuk-tuk-tuk, esprit et... j'ai mis esprit et je sais plus quoi d'ailleurs, tout à l'heure. Complètement à l'ouest. Ça marche plus. Esprit, es-tu là ? Esprit et... je t'ai fait jeter avec Roublard ou j'ai été salaud ? Vixen ? Roublard, t'en réveilles ? Non, je sais même plus. Oh. Bah, elle avait 0 dans le talent que tu lui as fait jeter. Ouais, ça je sais, ouais. Bon, je sais plus. Esprit et tech, vas-y, esprit et tech. Tant pis, excuse-moi. Bah, vas-y. Bon. Hop, t'as combien en tech, toi, du coup ? Bah, 0. Ok, donc c'était une difficulté à 5, hein, comme pour Vixen. Ouais, hop, voilà. Ok. Tu relances, donc tu fais un petit 9, parfait. Toi, tu es habitué aux situations d'urgence. Ah mais non, c'était avec sens, vu que... Oui, bon, c'est pas grave, c'est pas important. Oula, ça pue. Ouais, effectivement, tu sens cette odeur horrible, mais tu arrives à contrôler ton estomac et à garder maître de tes sens. À rester maître de séance, pardon, et tu le sais qu'il y a un problème. Je ne sais pas encore lequel, mais tu sais qu'a priori c'est un problème assez grave. Que fais-tu ? Je me relève et je regarde autour de moi. Ok, bah autour de toi, tu vois les modules de stase. Le tien semble allumé, tu vois, là où la plupart des autres sont éteints. Et tu sais que ça, c'est pas bon signe. Tu sais que ça devrait pas du tout être le cas. Écoute, il y a des gens autour de moi vivants et oui, tu vois des modules qui sont tu vois Lexa en fait qui est debout à quatre pattes. À quatre pattes, ouais. Elle est à quatre pattes, elle est dans un sale état mais réveillée. Voilà, elle est en train de reprendre ses esprits. Tu vois aussi un mec qui est resté lui prostré en fait au fond de son module et tu entends des sanglots. Et sinon tu vois encore des modules qui sont allumés mais où les gens semblent encore en stase en fait. Ok, bah je vais redresser Lexa. Je la secoue un peu si ça suffit pas. Oh, mais lâche-moi! Ouais, t'étais en train de reprendre avec ta réussite supérieure tout à l'heure, Lexa, t'as repris tes esprits, hein, donc tu commences c'est à pour être... ça que je gueule dessus. Ok, très bien. Ah bah désolé, t'étais par terre, j'ai un doute. Et du coup, là, le gars qui pleure, là, je vais le secouer aussi. Ok, très bien. Oh bah, oh, reprends-toi. Oui. Tu vois que ça a pas l'air d'aller du tout, quoi. Alors, le mec a du mal à... Ok, bah tu vois, il se secoue. Debout. Mais qui êtes-vous? On s'en fout, allez, debout. Mais... C'est une catastrophe, c'est un massacre, c'est un... On n'aurait jamais dû partir dans cette arche. C'est un massacre. Ouais, bah maintenant c'est fait, donc à moins que tu saches remonter le temps, rester couché là, ça va pas t'aider. Très bien. On sait ce qui s'est passé ou pas encore? Ben du coup, justement, vous avez peut-être une IA qui prend... Zul, t'es là ou pas? Oui. D'accord. Bah du coup, on va jouer ton réveil maintenant, parce que tu m'as pas acheté le dé tout à l'heure quand j'ai demandé. Pardon. Pas de souci, ce n'est pas grave du tout. C'est juste que, voilà, comme ça, j'étais pas sûr que tu sois là, donc j'ai switch c'est sur... C'est indécent. C'est indécent. Ouais, moi, il n'y a pas besoin de tes derniers, du coup, maintenant. Hein. J'ai fait jouer les okay, autres. Hein. D'accord. Tu vas me faire un jouet de... Un jouet. Évidemment. Un jouet. Un jet de sens et de... Toc, toc, toc. Et... Tu m'as dit tech. Et de tech, ouais. En fait, j'ai fait un mix entre tout. Un jet de sens et de tech, s'il te plaît. Ok. Donc, je te lance un des 10. Et oui, c'est tout à fait. Et c'est tout. Et c'est une difficulté à 5. Sachant que, comme je disais à Ron, tu peux améliorer ton jet avant de le lancer. Bon, bah putain, pas besoin. Ouais. Est-ce que tu étais là sur l'explication des dés explosifs ou pas? De toute façon, tu as déjà joué avec moi, toi, sur Faces. Non, j'ai pas joué avec toi sur Faces. Ah mais non, t'étais pas là. Ah oui, justement, c'était la séance, t'étais pas là. En fait, c'est par seuil de réussite, c'est-à-dire que on va dire que là avec ton seuil de difficulté à 5, si tu fais 4 de plus, tu as une réussite supérieure, 4 de plus, encore une réussite supérieure, etc., etc. Quand tu fais le maximum de ton dé, donc là t'as fait 10 sur ton dé 10, donc c'est le cas, tu as un dé qui est explosif et que tu peux relancer. D'accord. Du coup, pour pouvoir augmenter ce seuil-là, finalement. Le petit point de risque, c'est que si tu refais un 1, c'est le 1 qui compte en fait. Tu l'additionnes pas à ton 10. D'accord. Du coup, c'est plus risqué quand tu n'as que un dé d'attribut et pas un dé de et pas un dé de d'attribut et un dé de talent. Dans l'idée. Oui. Et donc là, si oui. tu veux, pour avoir une réussite supérieure au moment de ton réveil, t'as déjà une réussite supérieure. Pour avoir plus de réussite supérieure, tu peux. Si tu veux relancer ton dé, mais c'est pas obligatoire. Mais je suis joueur, je le tente. Je m'en doutais. Ok, 17 pour une difficulté à 5. Bah écoute, toi tu es. Et là, s'il avait fait 10 mon dé, je pouvais encore rejeter. Tu pouvais encore le relancer, ouais. Ok. Écoute, eh bien toi, Zul, vu le nombre de... Tu vas récupérer... En fait, normalement, vous étiez tous à la moitié de vos points de vie. Bah, du coup, toi, tu vas en récupérer 3 de stress, en fait, des points de vie. Tu peux te remettre... tu peux être à la moitié plus 3, quoi, globalement. Donc, de mes PV, donc... Ouais. Okay. Je suis pas très clair, je crois, mais c'est pas grave. Non, non. Donc là, Zul... Si, c'est bon, c'est clair. Bon, ça va, là. Du coup, toi, Zul, tu te réveilles et la situation t'apparaît clairement. Tu sais que des modules sont en panne. En fait, tu sens une odeur de charogne, de corps qui ont pourri depuis plusieurs semaines. Tu sais donc que des modules sont en panne. Tu sais que le centre de commandement pourrait être un bon endroit où aller pour essayer de réactiver tout ça, et tu sais surtout que ce genre de panne c'est quand même pas censé arriver, toi c'est un peu ton domaine, les vaisseaux. Tu sais que même une arche, ouais, bah même une arche, oui, tu t'y connais en vaisseau, t'es pas un génie des arches, mais tu sais qu'il y a au moins un ou deux circuits normalement auxiliaires sur ce genre de système, quoi. Ok. Et tu sais que du coup, c'est un peu suspect d'avoir cette panne. Mais tu as les idées claires quand tu te réveilles. Ok. Tu sais qu'il y a urgence, tu sais qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Et quand tu te relèves, tu vois Lexa, Johnson et éventuellement l'unité Kiss qui serait en train d'arriver au loin. Ok. Si je récapitule, j'ai pu identifier la panne. Et je sais qu'elle est pas normale. Ouais. D'accord. Mais du coup, si j'ai su identifier la panne, est-ce que je sais identifier aussi la solution? Oui, tu sais que ce sera dans le centre de commandement. Ça peut repasser par un espèce de reboot des systèmes, en fait. Des systèmes qui s'occupent de la cryogénisation. Et éventuellement, c'est par là que tu pourrais réveiller tout le monde si c'est la solution que vous choisissez. Quoi. Ok, il n'y a que les trois zigotos là qui sont debout. Tous les autres, ils sont... T'as un mec qui est en train de se faire secouer par Johnson, pardon, excuse-moi, Elal. En train de se faire secouer par Johnson, mais qui a l'air hyper perdu, qui est en état de choc, qui est en train de chialer tout ce qu'il peut. Ouais, est-ce qu'il y en a d'autres qui dorment? Ouais, il y a des modules allumés, mais où les gens dorment. Enfin, où les gens sont. Ils sont pas non alimentés, ils sont toujours alimentés, non. Les gens qui sont à l'intérieur sont toujours vivants. C'est ça, quand je te dis allumés, c'est que du coup, ils sont alimentés. Ok. Ceux où il y a des gens morts et pourris, c'est ceux où c'est éteint, quoi, globalement. Bon, je leur dis que... Ah, si je me réveille et que j'ai tous mes esprits, je leur dis, mais qu'est-ce que vous foutez? C'est pas ici qu'il faut être au centre de commandement. On s'est réveillé il y a 2 minutes, sous le temps. Ouais, mais enfin bon, là, les circuits axillaires qui se foutent en l'air, c'est pas normal. Il faut vite rebooter le système avant que les sas de cryogénisation tombent en rade et qu'on commence à faire périmer la viande qui est à l'intérieur. Ça y est, le petit chef est debout. Écoute, on fera ce que tu veux, mais moi je vais nulle part sans mon frère. Et je sais où il est ou pas d'ailleurs? Ah oui, il est vraiment pas loin. Bah, pendant que je dis ça, je vais vers le sas. Ok. Kiss, toi tu arrives sur ces entrefaites? Oui. Sur ces entrefaits? Entrefaits, si tu veux. Je sais jamais comment on dit. T'arrives là? T'arrives là maintenant, hein? Bonjour, le réveil n'a pas été trop douloureux. Ça va. Vous êtes tous en état d'opération. L'IA m'a contacté pour me dire qu'il y avait donc un problème, comme vous avez pu le constater. Nous devrions nous diriger rapidement vers le centre de commande. Centre de commande. On attend juste que Lexa ait réveillé son frangin et on y va, a priori. Non, on n'attend pas, des vies sont en danger, on y va de suite. J'y vais. Oui, alors vu l'odeur, je pense qu'il y a des vies qui sont beaucoup moins en danger, du coup. Enfin bon, j'y vais de toute façon. Vous pouvez me suivre ou pas. Est-ce que votre équipe, votre groupe, qui n'est pas composé que de vous quatre, a un nom? Genre section quelque chose, équipe Delta, machin, etc. Ah, je ne sais pas. J'ai déjà donné un nom, je laisse les autres. Ok. Eh bien, écoute, Lexa, est-ce que votre équipe a un nom? Je dirais oui, même si c'est pas officiel. Ok. Très bien, il y a après un nom. Après lequel, je sais pas. Ok, Johnson, un nom? Bah, c'est le pilote qui donne le nom à son équipe en général. Toi, donc, tu nous appelles les Cassos, ça compte pas. C'est pas faux. Bah, du coup, effectivement, Artemis, tu peux nommer ton... On va dire ton équipage. Je peux nommer mon équipage. Le groupe que tu transportes, comment vous appelez votre équipe qui est rassemblée? Riders, quelque chose. Les Expendables. Expendables. Non. Okay. Non, pas les Expendables. Je sais pas, vous avez des idées? A priori, non, en fait, ils t'ont tous refilé le bébé parce que t'es le. Parce que t'es ah, le... parce que j'ai été désigné chef? Bah, parce que non, t'es le pilote. T'as été désigné en fait. Pilote, donc tu nommes ton escadron que tu transportes. Ou le nom de ton vaisseau, éventuellement. Le nom de mon vaisseau? Bah, si tu veux, si ça t'aide plus. Le nom de mon vaisseau, c'est. T'as le Normandie pour Mass Effect et l'équipage du Normandie, ça peut être. Ça peut être la Bretagne et l'équipage des les Bretons, si tu veux. Non. Et tu peux choisir ce que tu veux. dans la limite du raisonnable. Mais ça va être comme les Français, ils appellent tous les sous-marins français ont un surnom du style l'insubmersible, la Terreur, le Destructeur. Ouais. Je vais faire comme ça, je vais trouver un nom dans ce genre-là. On va appeler le vaisseau le Fulgurant. Ok, très bien. Eh bien, vous avez l'IA. Quoi, qui... les Fulgurants? Il y a l'IA qui vous une IA qui vous contacte. Équipage du Fulgurant, votre équipage est demandé au niveau du pont, s'il vous plaît. Le plouc qui chiale, il est avec nous ou pas? Oui. C'est un scientifique, a priori. Oh putain, encore un casse ce scientifique. Et l'IA s'adresse particulièrement à toi, Kiss. Veuillez vous rendre sur le pont au plus vite, s'il vous plaît. La situation est urgente. Ok, les autres, ils sont en train de me suivre ou pas quand je me dirige vers le pont? Est-ce que les autres sont en train de se suivre ou pas? Moi, j'essaie de traîner le scientifique, visiblement, derrière moi, derrière Kiss. D'accord. Il m'a convaincu à partir tout droit. J'explique en continuant ma marche à pas forcer vers le centre de commande que c'était probablement un acte de malveillance qui a déclenché cette perte de contrôle des stations de cryogénisation. Sans déconner. Voilà. Ok. Vous avez me Je le savais pas. Donc, est-ce que je suis équipé ou pas du tout? Bah oui, tu peux avoir ton équipement sans problème. Bah je récupère. On était dans le sas de contamination. C'est ça. On peut imaginer qu'il y a un sas de stase, tu veux dire. On peut dire qu'il y avait un espèce de coffre à chaque pied de truc avec vos équipements de première nécessité. Pareil. Ouais, je récupère ce qu'il faut et puis je suis du coup. Ok. Il y a quelqu'un qui va me faire un petit sens de. Comment dire de pardon. Sens plus explorateur, s'il lui plaît. Une seule personne, pas. Difficulté à 4. Je suis devant. Okay. Je suis devant, je me propose de le faire. Sens plus explorateur, c'est ça? Ouais. Très bien. Attends. Oui, ça fait. Non, ça fait qu'un. Ça fait qu'un dé là? Non, c'est bon, ça non, fait non, on a deux. Ok. Alors, du coup, sur le système de dés, quand vous en jetez deux, ce qui est gardé, c'est le meilleur résultat. Donc là, c'est ton 7. Ok. Donc c'est une réussite. Petit point à savoir, si par exemple tu avais fait 7 et 7, en fait, quand tu fais un double, ça te monte au chiffre d'après, donc au 8. Si j'avais fait un double 3, ça m'aurait fait un 4. Tout à fait. Très bien. Double 4, un 5, etc. etc. Du coup, en fait, en passant, tu me diras comment tu réagis, mais tu vois, tu vois en fait un espèce de graffiti sur la porte, qui mène à l'aile des stases, en fait. D'accord. Le graffiti et ce graffiti, eh bien, tu vois un message non à la colonisation. D'accord, très bien. J'attire l'attention rapide de mes collègues qui sont en train de me suivre en pointant du doigt vers le graffiti, en disant à haute voix qu'il y a marqué non à la colonisation. Et que donc nous avons probablement affaire à tout un groupe qui s'oppose à cette colonisation et que je vous invite à prendre vos pistolets en main. Voilà. Bon, les autres réagissent pas, très bien. Non, bah ok, je... Moi je râle, je prends le pistolet. Je suis encore tombé dans une équipe de bras cassés. Ok, bah vous continuez d'avancer. Est-ce que vous voulez faire quelque chose sur le chemin? Je regarde quand même le graffiti de plus près, il est... Il y en a qu'un seul. Il est... Oui, non, mais je le regarde de plus près, il est vieux, il a l'air récent, il est... Bah écoute, a priori, pas très ancien, il a pas des années, si c'est la question, mais du coup tu vas me faire un petit jet de sens, et tu vas me faire un jet de roublard avec, enfin, un sens roublard. Donc, Quand je vous spécifie pas, c'est quand je ne vous le spécifie pas, c'est que la difficulté est basique, donc à 4. Donc c'est une réussite. Il te semble plutôt daté de quelques semaines, en fait. Ce graffiti. Sachant que, donc, si tu me fais part de cette découverte, on est censé être tous en stase depuis plus longtemps que ça. Depuis des années. Si vous regardez, vous êtes parti effectivement depuis 5 ans. En fait. Ok, toi, donc à chaque fois qu'on passe un couloir, je fais gaffe s'il n'y a pas des gens armés qui sont à l'autre bout du couloir, etc. etc. Ok, bah, tu es un peu plus sécuritaire. Tu es attentif, bah vas-y, je t'en prie, tu me fais un jet de sens et roublard aussi. Sens explorateur. Très bien. Okay. Tu ne remarques rien qui ne t'inquiète. Ça roule. Peut-être envoyer un message à Alexa très rapidement sur son... Enfin, j'imagine qu'elle a, comme tout le monde, en fait, un petit truc portatif, un peu téléphone portable. Vous avez tous un moyen de communication. Vidéocom. Et ouais. Si du coup, en plus, moi, je peux faire ça de façon instantanée sans avoir à écrire, c'est cool. Oui. Auquel cas, je lui explique que la meilleure chance qu'elle a de sauver son frère et de le faire sortir de la cryogénie, c'est d'atteindre le centre de commande pour donner l'ordre de là-bas. Il y a quelqu'un qui est très très d'accord avec toi. Un bruit de foot, de je sais pas quoi. Ouais, grave. Du coup, Alexa, comment tu réagis à cette... Là, tout de suite, je suis en train de m'acharner sur cette foutue machine de merde qui refuse de s'ouvrir suffisamment vite pour que je puisse rejoindre les autres. Pas à savoir si j'y arrive ou pas, je sais pas. Je fais un dé, je fais quelque chose. C'est-à-dire ? Tu t'acharnes sur quoi ? Bah, j'ai le truc dans lequel mon frère est cryogénisé. Le vois, il est en face de moi. Je sais pas pourquoi ça veut pas marcher, donc je m'acharne dessus parce que je le tape très fort. Ok, bah tu vas me faire un jet d'esprit et de un jet d'esprit et de tech, s'il te plaît. Alors esprit tech, donc. Je suis un peu perdu. Je fais quoi déjà? Alors, du coup, tu jettes ton dé d'esprit, donc qui est de 8. Hop, qui est de 8. Et est-ce que tu as le talent tech? Oui, donc tu jettes un dé 8 et un dé 10. Un dé 8 et un dé 10. Ouais, vous avez les macros hein, normalement. Vous avez juste à cliquer. Je sais pas là. Ah oui, donc tu les as pas activés. Quatrième onglet. Si je dis pas de bêtises, collection, et tu as toute une liste de D10, D12, D14, etc. Tu mets dans la barre. En commençant par D4, D6, pour, enfin, du petit au plus grand, pour que ce soit dans l'ordre pour toi. Donc un D8 et un D10. Bon, laisse tomber. Hein ? Mais clique sur le bouton ! je l'ai fait de travers, du coup je le fais manuellement parce que ça me saoule. Mais tu peux pas faire de travers, t'as un bouton sur lequel appuyer. Mais je vais le bouton. Un D8 et un D10. Qu'est-ce que... Bon, tu vois ? On va prendre ton premier D8 parce qu'on est sympa. Ok, est-ce que tu veux le relancer ? Le truc de réussite, c'est 4, non ? C'est ça, tout à fait. Donc là, tu as une réussite supérieure déjà. On va pas toucher. Ok, très bien. Et en fait, tu sais que ces modules de stase, ils sont pas ouvrables manuellement. Et surtout, il n'y a pas de console juste à côté, quoi. C'est une vraie console centrale. T'as la console au début de l'aile où vous êtes. Et... a priori, une console centrale au vaisseau pour commander tout ce qui est reboot, etc. Je fais chier et je le tape de toutes mes forces parce que voilà, et je cours pour attraper les autres. Tu le tapes de toutes tes forces ? Ouais. Tu vois la lumière qui... Tu vois, qui fait nuit-jour Elle était très bien allumée et au moment que tu l'as tapée, il y a eu une petite, un petit court-circuit peut-être. Eh merde. Voilà. Bon, je ne touche plus à rien et je cours rejoindre les autres avant de faire d'autres conneries. Sachant que mon but principal, c'est de libérer mon frère pour le moment. Tant qu'il n'est pas libre, je ne suis pas tranquille. C'est quoi ton travers, Vixen? Parce que tu l'as pas noté sur ta fiche. Je suis colérique. D'accord, très bien. Bon, déjà, tu peux te rajouter un petit point d'énergie, si tu en as utilisé. Ouais, je vais faire. Okay. Je le note, colérique. Très bien, et ben vous finissez par arriver tranquillement rejoint par Lexa, enfin tranquillement, j'imagine pas, parce qu'a priori vous étiez en marche un peu rapide. Vous finissez par arriver sur le pont où vous voyez, et bien en fait, vous voyez les commandes. Toi, tu les identifies tout de suite. Tu les identifies tout de suite, Lexa. Tu sais que c'est là que ça doit être pour se réoccuper de tout ça, tout reboot, etc. Et vous voyez aussi une personne que vous connaissez très bien, qui est, on va dire, une des dirigeantes, la dirigeante humaine de l'Arche, qui a l'air d'être dans un sale état, qui a l'air d'avoir subi le même réveil que vous il y a quelques minutes, et qui vous accueille en fait pas, elle est juste posée dans un fauteuil et elle a l'air un peu avachie. C'est une femme d'une 40-45aine d'années, qui est plutôt reconnue pour son intelligence et son talent en diplomatie. Que faites-vous ? Moi, je vais vers la console et je leur dis je m'en occupe. J'essaie de voir s'il y a à faire. Elle dirige vers la dame pour lui offrir un soutien si elle en a besoin. Bon, elle est avachie, donc physiquement elle n'en a pas besoin. Après, elle est blessée. Elle a l'air éreintée en fait, genre vraiment lessivée, tu vois. Genre, ok. Et qui, s'il y a une personne qui veut me faire un jet de sens et. Putain, essayez, j'ai encore le nom qui m'échappe. Chiant. Sens et expert. Ce serait le bienvenu. Une seule personne, par contre. Pendant ce temps-là, en fait, tu as Alexa, elle te lève une main, elle dit c'est inutile, j'ai essayé, je n'ai pas réussi à prendre la main sur la console. Il y a forcément un truc à faire. Bon, je m'en occupe parce que ça, c'est pas possible. Je vais me diriger à la console. Oui, c'est faire la patronne. Très bien. Qu'est-ce que tu veux faire avec la console ? Et j'essaie de tout rebooter. Je n'ai plus les accès, malheureusement. Tu veux tout rebooter ? Très bien. Eh bien, écoute, ça va être un jet d'esprit et de tech. Esprit ? Merde ! Je pensais que c'était sens. Ah bah non. Eh bah alors, on sait pas faire ? Désolé, mais elle m'énerve quand elle prend des choses en main. De toute façon, ça m'aurait étonné si j'avais pas fait un personnage qui t'énerve encore. je suis plus naturel comme ça que le type. Ah bon, je t'ai pas dit la difficulté, mais c'est une difficulté à 5. Je la regarde, tu le fais ou pas ? De toute façon, j'ai qu'un des 4. Ah ouais ? Ah ouais, monsieur est... Oui, Artemis ! Je pensais que c'était sens. Artemis, tu le fais tu ou vois pas ? Tu la vois qui est en train de galérer, en fait, elle s'acharne sur la machine, et tu vois que Artemis arrive même pas à passer le login, en fait, tu vois. Bah, je la pousse, mais de base. Putain, pousse-toi. Et je m'y mets. Je suis vraiment pas bien tant que je l'ai pas dans mes bras, mon petit frère. Ok, très bien. Bah, écoute, tu peux me faire le même jet. Il vient de passer, par contre, à une difficulté 6. Alors, c'est sens. N'oubliez pas vos points d'énergie. Ouais, oh, t'en fais pas, va. Sens... Non, c'est esprit et tech. Esprit, tech. Ben, comme tout à l'heure, du coup. Esprit, je l'ai là. Et tech, je l'ai là. Bon, bah, écoute, pour... Est-ce que tu relances ton 8 ? Non, avec 6, ça va, je suis tranquille. Très bien. Écoute, en fait, tu galères, hein, vraiment. T'en chies sa mère, et tu finis non pas par passer, on va dire, de manière propre, mais tu craques complètement le système. Et au passage, tu remarques en fait que c'est pas du tout enfin c'est pas du tout les logins que ça aurait dû être, donc la dame elle avait l'air quand même d'avoir raison, mais finalement tu réussis à reprendre la main sur sur le système, et notamment sur le système de cryo de stase. Moi c'est trop ah bah c'est ce que j'allais faire. Ouah, sans blague, vous avez été piraté là. Qui c'est Johnson? Est-ce que vous voulez discuter avec avec madame? Oui, oui, j'étais en soutien sur elle pour voir si ça allait, ce qui se passait avec la console. Merci, c'est une catastrophe. Nous avons perdu 12 522 personnes. Mmh. Bon, très bien. Et c'est de mauvais augure pour le début de Prométhée. Oui, surtout que nous ne savons pas qui est responsable de cet acte de malveillance pour l'instant. Il va nous falloir peut-être trouver les responsables avant de se répandre dans la galaxie. Sinon, les problèmes risquent de nous échapper. Pardon, question OMJ. Les fameux logins qui ont été changés, est-ce que c'est quelque chose de familier ou pas? C'est juste des nombres, des chiffres au pif comme ça. Bah écoute, écoute, est-ce que ça peut être quelque chose? Bah écoute, tu vas me faire un petit jet de roublard. Pardon, roublard. Roublard, j'ai pas. Roublard sens. Sens. Sens roublard. Il faut que je vous le fasse dans le bon ordre pour prendre les bonnes habitudes. Mais... Alors, je vais faire sens parce que je n'ai pas roublard. Ça, je me doute. Et je vais faire ça. Et. Pas mal. Bah, c'est son. Ça dépend si c'est un D8, toi. Ouais. Ouais, bah écoute, ça te parle pas du tout. Genre. D'accord. Tu sais, en tout cas, c'est. T'es sûre et certaine que c'est pas quelqu'un que tu connais. Ok. Je suis étonné de la facilité qu'il y a à craquer des codes d'activation et de désactivation de cryogénisation. Lexa, est-ce que vous pensez que ce que vous venez de faire, la personne d'avant vous, elle aurait pu le faire aussi en moins de 5 minutes comme vous venez de le faire ou pas? Elle en a chié, elle y a passé. Elle y ouais, a passé. Voilà, ce que j'allais dire. Oui, mais je veux dire, ça fait des années qu'on est en stase, donc quelqu'un, n'importe qui, aurait pu faire comme vous venez de faire. S'il a pris son temps et qu'il connaît le système, il aurait pu le faire. Pas en 5 minutes, pas en 10, mais il aurait pu le faire. Et c'est forcément quelqu'un de l'intérieur. Mmh. Ok. Artemis, je te laisse ça, et je vais aller chercher le petit. Et puis je file. Okay. J'aimerais demander à l'IA de répertorier tous les profils doués en informatique présents sur l'arche. Très bien, Kiss. Unité K-155. Je m'occupe oh, de tu faire peux m'appeler Kiss. Merci, Kiss. Je vous fournirai la liste d'ici une quinzaine de minutes. Ouais. Souhaitez-vous que je recherche des compétences particulières? Vous pouvez rechercher des compétences particulières en piratage informatique. Très bien, je m'en occupe. Essayez aussi de corréler toutes ces informations avec de potentiels passés dans la prison, pour des faits mineurs éventuellement. Parce très que bien. Je me tourne vers la conseillère en chef. J'imagine que à l'entrée, comment dire, les personnes, vous avez étudié leur CV, vous avez vérifié qu'il n'y avait pas de... Aucune personne n'a fait de prison avant de rentrer. D'accord, mais un petit dossier judiciaire mineur, même sans avoir fait de prison, vous auriez pu en prendre. Pas. Tout dépend des actes qui ont été commis, mais c'est possible d'accord. S'il n'y a pas eu de condamnation. D'accord, très bien. Ok, ok. Merci. Bah, je dis rien de plus à l'IA. Parce qu'elle a fait. Tout ça s'est passé pour toi, elle n'est pas vocale, tu vois. Elle n'est pas obligée de se... Elle a pu te parler directement, quoi. Oui, mais par contre, quand je me suis tourné vers la directrice pour lui demander s'il d'accord. y avait des... Voilà. Ok, très bien. Elle vous dit c'est catastrophique. Agent Oslo, chasseur de primes Oslo. Oui. Il va falloir qu'on retrouve le ou les individus qui se sont occupés de cette tragédie. Ah bah ça, c'est évident. Et vous allez vous êtes réveillé depuis combien de temps, vous-même? Ça fait, tu vois qu'elle regarde sa montre, une quinzaine de minutes à peu près. 20 minutes maintenant. Pas beaucoup plus longtemps que nous. Est-ce que vous savez non. ce qui a déclenché c'est notre réveil plus tardif à nous? A priori, c'est plutôt la même... je pense que j'étais en priorité avec l'autre conseiller, enfin les autres conseillers sur la liste d'éveil, mais difficile à dire. Il y a pourquoi nos réveils sont espacés avec l'équipe des fulgurants. Non, c'est pas la question que j'entendais. Ah pardon. Vas-y, excuse-moi. Alors j'ai pas compris. Comment se fait-il qu'on soit réveillé si le but des criminels serait de d'éradiquer tout le monde? Ah oui, elle te dit c'est très simple, les IA qui s'occupaient de la maintenance ont fini par réussir à passer outre le code mis en place par les criminels et ont réussi à commencer à enclencher des réveils. Et ils ont choisi du coup de déclencher certains réveils principalement. D'accord. C'est les systèmes de défense de la cité qui se sont mis en place contre l'attaque. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Excusez-moi, tu vois qu'elle se lève. Elle a l'air de reprendre un peu contenance. Elle va se chercher en fait à côté d'un grand panneau de contrôle. Elle va se chercher un espèce de truc à ingérer. Qu'elle prend et assez vite elle semble reprendre de l'énergie, de la contenance et son autorité naturelle, son aura qui semble se remettre en forme. Lexa, du coup, toi tu finis par arriver au quartier au niveau des endroits de stase, quoi, dans la zone de stase. Et tu tombes, tu arrives à retrouver évidemment le module de ton petit frère. Qui, comme... excuse-moi, tu allais dire quelque chose ? Non, vas-y. Ah non, vas-y. Qui, comme de nombreuses personnes, en fait, commence à se réveiller doucement, mais sûrement. En fait, tu entends, avant de le voir, tu entends une espèce de... Je vais appeler ça un cri télépathique, mais un espèce de cri de peur et d'horreur, quoi. Parce que ton frère, du coup, si t'es jeune, il l'est encore plus que toi. Disons que si moi j'ai 30 ans, lui il en a 18. Ouais, ok. Bah lui il a l'air de paniquer assez salement dans son module de stase. Du calme, Glenn, j'arrive, je suis juste à côté. Et je l'ouvre le truc et okay. Tu vas me faire un jet de caractère pour voir si t'arrives à le calmer déjà. Un jet de caractère et comment tu t'y prends pour lui dire des mots apaisants, j'imagine. Les mots apaisants et télépathie oblige, j'imagine que je peux lui faire passer plus ou moins ce que je veux. Ok. Écoute, donc c'est à coup, okay. Ça part de. Ça va être de sentiment de calme de. Ok. Bah, écoute, on va faire ça un peu comme si c'était un. Alors c'est pas du tout médisant vis-à-vis de Navik, mais un peu un animal qui est craintif et paniqué. Du coup ça va être un caractère et explorateur. Je n'ai pas explorateur, on va faire ça avec caractère. Et ça va. Ok. Bah, tu le sens qu'il finit par te calmer en fait au moment où tu arrives à approcher de son module. Oui. Ah. Il te parle télépathiquement et en même temps vocalement. Lexa, il te saute dans les bras. J'ai horreur quand tu fais ça. Choisis ton canal, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. Et il continue en fait. J'ai du mal à. Tu vois qu'il. C'est bon, laisse tomber. C'est pas grave. Il faut qu'on aille. Il arrive à couper le canal télépathique et il dit c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette odeur horrible? Écoute, je t'en parlerai plus tard, d'accord? Pour le moment, il faut vite rejoindre les autres. Et je le prends par la main et je marche vite. Je cours pas parce que je vois qu'il est pas en état, mais je marche vite. Ouais. Il est plutôt pantelant, il a du mal à se remettre de ses émotions et sur ses jambes. Et pendant que vous courez, en fait, tu entends des gémissements, tu entends des cris de « Au secours! Aidez-nous, sortez-nous des modules, s'il vous plaît !» On s'en bat les gars. C'est pas à toi que je parle, t'es pas là. Le on s'en bat les gars de l'espace de loin qui apparaît. Oh. Génial. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu aides des gens ou est-ce que tu fonces vers le centre de commandement? Il y en a vraiment beaucoup. Ah, il y en a pas mal. Tu sais que si tu commences, tu t'arrêtes plus, quoi. Il y a forcément un moyen de les ouvrir en ouverture automatique ou quelque chose, non? Comme j'ai tu fait, dis, t'en j'ai fouillé un, t'en as le... un, un au début de l'aile des stases, éventuellement. J'imagine que je passe devant en sortant. C'est ça, tout à fait. Eh ben, vu que je suis pas encore sorti, je passe devant et j'essaye de le faire. Ok, bah, tu arrives à les ouvrir. Hein, de toute façon, t'as chopé les logins quand tu l'as craqué. Là. Bah oui. T'arrives à les ouvrir et tu entends des sanglots de soulagement, tu entends des cris, des merci, des cris quand même de peur et de douleur pour certains. Et tu files, j'imagine, avec ton frère vers le pont. Ouais. Très bien. Bon, et bien revenons à nos moutons du pont. Artemis, qu'est-ce que tu fais après avoir échoué lamentablement sur la console? Bah, de toute façon, on est trop. Si j'essaie de me repérer. D'accord. Savoir si on est loin de la destination. Ok, donc bah, écoute, ça va être du pilotage et de l'esprit, ça, pour savoir un peu où vous en êtes, pour aller piadoter sur des okay. consoles, etc. Difficulté 4. Je viens de découvrir un truc. De quoi? Que je pouvais mettre les dés dans la barre. Pleure pas trop, Axel. What? Voilà. T'as que 4 en esprit? Oui. Ok, d'accord. Ah oui, c'est un de ceux... Ah oui, oui, oui, my bad. Ok, oui, oui, effectivement. Bah écoute, t'y arrives sans problème. Tu sais que... vous avez en fait, t'es sûr et certain que non seulement vous n'êtes pas arrivé là où vous le deviez, mais en plus vous avez été dévié de cette trajectoire. Quoi. Putain, et je peux refaire partir dans la bonne trajectoire ou pas? Bah écoute, je pense que tu peux, mais il va falloir... Déjà là, est-ce que le vaisseau est capable d'aller jusqu'à la... Oui, largement, il n'y a pas de souci d'énergie ni rien, c'est juste que... Okay. Donc j'essaie de le remettre dans la trajectoire. Ok, bah écoute, ça va être de la dextérité et du pilotage. Mais ça va être à une difficulté 6, parce que c'est un vaisseau que t'es pas habitué du tout à manier, quoi. Ouais, t'y arrives, hein. Tu t'en chies et tout, t'es obligé de remplir le rôle de plusieurs personnes à toi tout seul. Ouais, donc en fait tu passes de commande en commande. Vous voyez Artemis qui est en train de s'agiter follement sur les différents trucs qui arrive justement en fait à vous le sentez pas, mais vous voyez sur les écrans que la trajectoire se modifie petit à petit. Attends, là en fait... tu pilotes la trajectoire de l'arche tout entière là. Ouais, il est en train de donner son meilleur lui, hein, parce que c'était pas un jet. Est-ce bien légal? Est-ce que c'est pour moi c'est illégal de crever? Non mais là il y a pas de souci, le vaisseau il est bien là où il est. Il partait en cacahuète. Bon, écoute, chacun son truc. Toi, tu fais tes trucs de robot, moi, je fais les trucs de pilote. Effectivement, en fait, en analysant la trajectoire, vous n'étiez pas en danger imminent, mais vous vous dirigiez quand même vachement proche, bêtement d'un soleil, quoi. Et l'arche, elle est bien construite, mais trop proche d'un soleil, c'est jamais très bon, quoi. Ok. Voilà, maintenant donc, être content de m'avoir, enfin que je sois réveillé. Ah bah ça après ça ils peuvent pas le. Bah ça ils peuvent pas le capter si tu le dis pas, quoi. C'est vraiment un truc, c'est qui allait arriver dans un sacré moment, quoi. Une fois que j'ai remis l'arche dans le chemin, je leur dis. Vous avez de la chance que j'ai été que je sois réveillé, que je fasse pas partie des sacs de viande dans des frigos. Si une fois cela fait, veuillez éviter de rester trop longtemps en commande, Artemis, te dit la conseillère. Ou... Et pourquoi? Parce qu'il faut des accréditations effectivement particulières et vous ne les possédez pas. Alors je suis très content que vous ayez remis l'arche sur le droit chemin, mais il ne faut pas que vous interveniez plus que de raison. Bon, d'accord, de toute façon, je m'en fous, il est moche ton vaisseau. Tu vois qu'elle répond pas quand elle t'entend dire ça. Bien, tout le monde ici me semble en plutôt bonne forme. Lexa, t'es en train d'arriver avec ton petit frère qui a repris un peu de couleur, un peu d'allant, qui ça y est remarche un peu correctement. Cette affaire doit rester non pas secrète étant donné que voilà, mais les gens ne doivent pas se douter des implications. Du coup, je tiens, j'ai déjà envoyé des droïdes de protocole nettoyer les différents graffitis qui ornent l'arche. Il faudra que vous trouviez les coupables et discrètement. On ne peut pas se permettre un vent de panique. Il faudra surtout que vous trouviez une explication, parce que les gens que je vais libérer dans les SAS là, c'est la première chose qu'ils vont vous demander. Eh bien, ouais, bête panne informatique, voilà. Sans précédent. Et étant donné que personne n'a les niveaux d'accréditation pour, hormis les conseillers et certaines personnes haut placées dans l'organigramme, personne ne saura jamais ce qu'il en est réellement. Et il ne faut pas perdre plus à ce mouvement. Et il ne faut pas inquiéter la population. Commencer cette épopée par ce genre de massacre serait du plus mauvais effet. J'espère que vous me comprenez bien. Mmh. Et en disant ça, elle vous fixe chacun dans les yeux à chaque fois. Pour être sûr après, que... ça risque de plutôt être rapide. Vous avez peut avoir accès aux caméras de surveillance de cette salle. Bien sûr, donne les accès à. L'équipe du fulgurant, ouais. Ouais, donne les accès à l'équipe du fulgurant pour mener l'enquête. Tous les accès. Enfin bon, oui, pour répondre à votre question, si telle est votre volonté, de toute façon, je pense que c'est assez sage de votre part de penser comme ça. On va pas aller dire à tout le monde qu'il y a des assassins qui se baladent à bord. On va essayer de les appréhender discrètement et de leur servir une justice sévère par rapport aux actes qu'ils ont commis. Le tout sans alerter les foules. Très bien, je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde, cela me rassure. Après, je ne suis pas le porte-parole de mes trois camarades qui peuvent avoir des avis différents. Non, je suis d'accord. Pas le robot. De quoi, t'as dit? D'accord, sur quoi? J'écoutais pas le robot. En fait, t'es un peu loin, Zoulzoul. Ouais. Non, mais ouais, mais mon casque est neuf, dites pas qu'il ne marche pas. Ah, j'ai pas dit qu'il marchait pas, j'ai dit que t'étais loin. C'est pas pareil. Écoute. Non, mais je le dis en roleplay. Hein. faites tout ce que vous avez à faire pour trouver ces criminels. Ok. Bah, et je vous propose, étant donné qu'on arrive à 23h45, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette petite séance d'introduction. Ouais. Hop, excusez-moi, je fais juste coupure de Craig et. Toc. Et merci à tous pour l'écoute. Toc, toc, toc.